Avec mes idées noires, reculées de tous, avec mon désespoir, délaissé de tous. Comment être seul, dans l'attente d'une âme seule, dans l'attente d'une âme seule, sans une autre condition, sans jamais voir la nuit. Dans l'obscurité, avec son dégoût, replié sur soi, je me sens mal, ça ne va pas.